mes assos, c'est moi on teste. Le mixtape de Ness, présent en mode guest. Qu'est-ce que tu veux faire, flow hyper, tu t'encaisses. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Check ma team dans la ligne, tire une balle, bing. Trop mauvais, pas de flow, lyrical, sap, style, mat. Les temps du mon arabe, invite à mic et nous voilà. Chargeur chargé, j'pose et sache que arracher le beat, c'est l'autre objectif. Vu que y'a explosion dans ta gueule quand j'braille. Lyrical flow pour la bataille. Autopsie d'MC, FLX, OMIC, avec des récits plus violents qu'un Hutu contre un Tutsi. Écoute, si y'avait moins de merde dans ce monde, on serait sûrement pas là à fumer les ondes. J'ronde, et ceux du berceau à la tombe. Tu voulais test, ça finit en hécatombe. Hip hop infantry, il fallait pas nous tester. Les tenants du titre, leader incontesté. Too deep, tu connais la musique. Street lyriciste, c'est pas du rap à l'usine. Et j'fusille tous les MC qui partent mal. Ceux qui partent en couille et tous ceux qui parlent mal. 16 rimes en headshot, fit lyrical shot. Too deep revient avec du bon son plein sa hot. Et c'est hot, c'est plus puissant qu'un arsenal. C'est un putain de freestyle, c'était la phase finale. Les gens c'est typique, connaissent pose, y'a la coustique. Un flow technique, j'applique, nique la critique. Poétique, logique contre la politique. Ma musique, j'trafique dans cet état anarchique. Roule la toxine, ce qu'on a là c'est un classique. Trop magique, on s'applique pour toucher le public. On a pas le fric, mais t'inquiète, y'a le lexique. La résine magique, comment faire une bombe atomique. Pas besoin d'un brolique, j'ai une trick volumique. Dynamique, j'agis, j'bute ce que j'ai dans l'optique. C'est tragique, trop d'MC sont ironiques. Trop d'ennemis contre moi, car mon style est unique. Peux rien faire en me voyant, ils paniquent. Ils arrachent mes stickers, mais ma bitch zastique. J't'explique, mon rap est une équation chimique. Mon vécu pousse la rue et mes textes se fabriquent. J'ai la rime à sortie, escorte mon hip-hop infanterie. Crime en série, voilà pourquoi j'suis de sortie. Dangereux comme un fauve, stop. J'ai la dalle, donc j'en les crocs. Criminel au mic flow, lyrical hip-hop. J'ai causé perte et fracas. Augmenter les dégâts sans la forte et voix lyrical. Sonne le son du glas.